Ninja, au bout du goulot, ha, MSD, à la sienne. C'est toujours le petit truc. C'est ça, check. Déjà 16h au saut du lit, des tas de migraines, ma cosse, j'ai la peupare et le taux d'alcoolémie. Du capitaine à top, j'allume une clope, à star si j'ai moins de style, Conan le barbare. Je me rends compte j'ai plus de maille, alors je maudis ce connard de barman. Trop de mal à émerger, j'ai besoin d'une paire de baffes. Depuis que je suis licencié, y'a que quand je veux fumer que je te parle de taf. Me casser le dos jusqu'à la retraite, non pas question. Par chez moi la santé, c'est pas le travail, c'est la prison. Le soir ça parle de ci, de ça, parce que la ville est sans dessus, dessous, je déballe des idées sales. Et par la suite, je suis tant déçu, je me saoule. Celui qui espère me voir en pleurs, tu rêves. Après cet hiver, j'annonce ta couleur, j'suis raide, j'suis pas le plus à plaindre, même si toujours à court de bif. T'es ma dehors, les SDF pour prendre leur douche, attendre les jours de plus. Ce soir, j'suis encore dead, même si pour toi, j'suis encore net. Face à la glace, j'ai trop les boules, normal vu tout ce que j'me mets dans le cornet. J'essaie de faire ma route, c'est sur cette terre. J'baroute, j'veux changer d'air, car j'suis d'écart quand j'bois d'une traite. J'vois où j'ai trop la flemme, j't'avoue, et pour l'avenir, faudrait j'trouve du boulot. J'essaie de me remettre en scène, mais tout ça me saoule, j'suis au bout du boulot. J'essaie de faire ma route, c'est sur cette terre. J'baroute, j'veux changer d'air, car j'suis d'écart quand j'bois d'une traite. J'vois où j'ai trop la flemme, j't'avoue, et pour l'avenir, faudrait j'trouve du boulot. J'essaie de me remettre en scène, mais tout ça me saoule, j'suis au bout du couloir. Passé 22h, t'entends santé. Ce cri venait du cœur, noyé dans cette liqueur. T'as verre à l'eau, tu me vas changer d'humeur en parlant de sa petite pute. Dégage ton cul de pillage, depuis que celle que j'aimais est partie avec ma tête. J'vis au concubinage, le temps est passé vite, j'ai pas suivi l'évolution. Comment donner une bonne image quand t'as pas de bonne résolution? J'suis peut-être immature, et désolé si ça te surprend. Loin des Émirats arabes, y'a que envers l'État que j'peux être insultant. Quand la soirée se termine, les gens se demandent c'est qui se marre ou qui gueule. Une patate dans un arrêt de bus, ça shoot dans un rétroviseur. Je m'excuse auprès de ma mère qui doit regretter le gamin que j'étais. Parce que son fils ne fait que du chiffre lors de ses tests de ses gamins j'étais. Je suis juste un gosse qui parle de ses petits malheurs. J'ai ma potion, aucun souci, William et Bill. À l'heure des fois je me dis j'arrête, mettez le lendemain, je récidive. Si t'as une taille, amen, je me sers un verre, ça y est la messe. J'essaye de faire ma route, c'est sur ce terre. Je m'arroute, je changeais d'air, car je suis d'écart quand je bois d'une traite. Je vois où j'ai trop la flemme. Je t'avoue et pour l'avenir, faudrait que je trouve du boulot. J'essaie de me remettre en scène, mais tout ça me saoule, je suis au bout du boulot. J'essaye de faire ma route, c'est sur cette terre. Je m'arroute, je changeais d'air, car je suis d'écart quand je bois d'une traite. Je vois où j'ai trop la flemme. Je t'avoue et pour l'avenir, faudrait que je trouve du boulot. J'essaie de me remettre en scène, mais tout ça me saoule, je suis au bout du boulot.